Aimer quelqu'un, c'est vouloir son bonheur. Bien souvent, l'amour se transforme en haine. Pour punir, surtout lorsque l'objectif est inaccessible. On sort de soi et ce grand sentiment est remplacé par la trahison, qui ne fait que vivifier l'amour. Moi qui t'aime d'un amour sincère, et par tes actes, il est devenu amer. Rappelle-toi nos caresses candides qui nous rendaient si splendides. Notre amour qui signifie bonheur à deux, tu l'as trahi sans aveu. Et la haine, ce sentiment qui est le poison de l'amour, maintenant habite en toi chaque jour. L'illusion d'amour, j'y pensais. À d'autres fins, tu l'utilisais. Serait-il un péché de t'aimer? Mais je m'y suis désaltéré. On a toujours dit, aimer, c'est souffrir. Tu me l'as prouvé avec beaucoup de délire. Néanmoins, me trahir, c'est une preuve d'amour que je porterai en moi pour toujours. Et tu le comprendras un jour.